J'aimerais ça, si vous voulez parler du passé, c'est correct. Moi, on l'a fait, faut faire l'autopsie dans la vie, faut que tu reconnaisses tes erreurs, prendre une partie du blâme, on est tous capables de le faire. Ça, il y a un temps pour ça. Moi, je suis rendu au what's next. Mais what's, ouais, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait, là? On peut le lâcher, là. Je sais pas. En passant, ceux qui disent, ouais, mais ça, pour nous autres, abattre. Tu sais, je sais que le fameux argument, faites ça pour vous autres, pour la station. La station, oubliez ça, là. Mais c'est pour nous autres, là, vous parlez de... Non, non, c'est vrai. Il y en a qui sont bien contents que ça marche plus. Ils ont le droit, c'est leur opinion. Là. Ils me l'ont dit en pleine face. Ben oui, regarde-moi pas de même. T'ont dit en pleine face que t'es content que ça marche. Arrête. On parle pas de ça. C'est. Mais ici, nous, on y croit. Mais tout ça pour vous dire que, sincèrement, si vous voulez vraiment arriver avec cet argument-là, je peux le régler tout de suite à matin, là. Oui, ça a été le fun à un moment donné. On le faisait pas pour ça, mais en même temps, ça a été le fun parce que j'aimais ça, pis on a regroupé 26 000, nos auditeurs aimaient ça. Là, le résultat aujourd'hui, après s'être planté comme on se fait planter, n'est pas dire que c'est bon, là. Fait que si on décide de continuer, puis moi, je suis prêt à continuer. C'est envers et contre tous, là, mais ça va pas... Pas si vous comprenez, là. La solution la plus facile pour nous, si je pense juste animateur radio, mais là, on finit le sujet, on met ça en dessous du tapis, pour passer à d'autres choses. Là, rien, là. On fait de la radio pareil, là. On avait deux scoops hier, on avait un à matin, on n'a pas eu le temps. Il est reporté demain. On a un scoop sur les examens du ministère. On continue à faire de la bonne radio, là. C'est plus un souci à date, ce que ça nous a amené, là. Moi, c'est bien plus de, Claude aussi en a eu plus. Je veux pas comparer, là. C'est vrai que c'est plus lui qui était au bat, mais. Tu sais, j'ai des collègues qui me disaient ça hier, qui se font reconnaître dans la rue, puis qui se font dire, vous avez l'air cave. Ah oui. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Oui. Fait que si on décide de continuer, si vous voulez continuer, sachez qu'on, oui, on va le faire. Pour vous autres. Même si on s'en va le mur, là, on a le mur en face un peu. Mais. Vous savez qu'il y a une belle façon d'avoir un gouvernement minoritaire, il y en a une qui est très safe. Votez CAQ. Parce que ça va être soit Charest, soit Marois qui vont prendre le pouvoir. Sans pas Legault. À 24%, il va avoir de la misère. Par contre, plus tu votes CAQ, plus tu divises le vote. Mettons qu'on vote CAQ, ça va être minoritaire. Si jamais il passe, Legault, il va être minoritaire, lui, c'est sûr. Majoritaire, Legault, ça se peut quasiment pas. Plus il est là, plus on va vers un gouvernement minoritaire. Plus là, dans les élections, on va repogner dans un an. Là, on arrive prêt. Puis on en présente. Il se gênerait pas 10, pour en provoquer des élections. 10. Je parle de ça, là, on verra bien. On n'est pas capable d'en faire passer un. S'il y en a un qui est dans son auto en train de me crier ça, je veux, c'est comme ça. Même question. Tout le temps. Fait que on va arrêter de le dire, bon, on va essayer de faire différent un peu. Donc on peut faire ça. Pour le reste, je pense qu'il faut se donner une meilleure structure. S'il y a une conclusion que moi je tire de tout ça, une meilleure structure. Puis là, on l'avait pas pour. Vous savez quel délai qu'on avait, comment ça a été difficile. Il faut que ce soit d'abord une structure indépendante de la station, autonome, que je vais continuer à appuyer à 100%, mais qui n'aura pas besoin du FM 93. Comme telle, de la station, qui, elle, ne peut pas jouer ce rôle-là. C'est pas une critique. C'est une station de radio. Il y a un animateur qui s'appelle Sylvain Bouchard. Il y a une animatrice qui s'appelle José Arsenault. Puis nous, on donne nos opinions, puis on est d'accord avec ça, puis on lâchera pas. Mais il faut que ça soit indépendant. Et là, on pourrait peut-être être plus fort. Et on peut encore jouer notre rôle via un porte-parole. Quand n'importe quelle association qui a plus de 100 membres gauchistes envoie un communiqué de presse aux médias, ils ont toute la visibilité. Alors, l'école rousse, on est capable de regrouper 20 000 personnes. La journée, il va y avoir un communiqué de presse au lendemain d'un budget ou au lendemain d'une décision pour donner notre opinion. Peut-être que certains journalistes non biaisés, il en reste peut-être 2-3, vont peut-être dire, bon, on fait un texte là-dessus. S'ils ignorent, bon, on ira devant le conseil de presse. On ira se battre. On se dit, pourquoi on passe jamais, nous? Telle association, sont 100 membres, gauchistes. Ils font la une, des fois, avec le porte-parole. Nous, on est 20 000, ils nous boycottent. Ils ne parlent pas. Pourquoi? T'sais, bon, on les pognera. Si jamais ils nous passent pas, on les pognera, pis on pourra dire haut et fort. T'sais, il y a une game qui pourrait se jouer là.